بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 62 62e question ou plutôt leçon. نعم. في السؤال 81 بعد 300 380e question. قال هل المصائب التي تقع هي بإذن الله؟ Est-ce que les malheurs qui se déroulent, cela a lieu avec la permission d'Allah? Quand elle n'a pas, elle a dit oui, cela est évident. Car nous avons expliqué dans le verset précédent que Allah l'a su, que Allah l'a écrit, que Allah l'a voulu. Wa dalil qawlu ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim. Qu'il n'y ait pas de malheur qui ne touche si ce n'est par la permission d'Allah. Et que celui qui craint Allah, que celui qui croit en Allah, Allah le guide, ou plutôt que Allah guide son cœur, et que Allah est omniscient. Et que Allah est savant de toutes choses. At-Taghabun, verset 11. ثم قال في السؤال الثاني وثمانين بعد 300 382e question. ماذا يقول من حصلت عليه مصيبة؟ Que doit dire celui qui était touché par un malheur? يقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. Il dit, la traduction, que certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-moi par meilleur. Donc ça c'est important, si un malheur nous touche, de patienter et de rechercher la récompense pour Allah, ce qu'on appelle l'irtisab. Et de craindre Allah. Et que la patience, elle a lieu qu'au début. Ce n'est pas une fois qu'on a fait une crise, qu'on s'est énervé, après on patiente. Cela a lieu dès le début. Comme a dit le Nabi Sallam, inna sabr inda sadmatil ula. Que la patience a lieu lors du premier choc. C'est là qu'on voit qui sont les patients, ceux qui endurent. Et que quoi qu'il nous arrive comme mal, qu'il nous paraisse comme étant un mal, qu'il y ait un bien derrière. Si on patiente, qu'on accepte. Et si c'était une faute de notre part, un péché, qu'on se repente, bien évidemment. والدليل قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, ils disent nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux-là auront les éloges de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqarah, la vache, versets 156 à 157. Et également, dans le hadith de Moussalama, qui est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني أو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. Qu'elle dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y ait pas de serviteur qui soit touché par un malheur et qu'il dise certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Ô Allah, récompense-moi dans mon erreur et remplace-moi par meilleur, sans que Allah lui accorde une récompense dans son malheur et qu'il le remplace par meilleur. Et elle a dit lorsque son mari, qui était Abu Salama, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé et qu'elle l'aimait beaucoup, elle pensait qu'il n'y avait pas d'homme qui était de son niveau, elle a prononcé cette invocation, ou ce rappel, comme l'ordonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azawajal lui a donné meilleur que son mari, elle lui a donné comme mari le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cela s'est réalisé pour elle. Donc quand une chose nous touche et qu'on dit cela, qu'on ne s'imagine pas que c'est la fin de tout, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Car Allah sait, nous ne savons pas. ثم قال في السؤال الثالث وثمانين وثلاثمية 383e question. هل في القدر خير وشر؟ Est-ce que dans le destin il y a un bien et un mal? قال نعم. Et le dalil c'est le hadith de Jibril, que tu crois au destin que soit bon ou mauvais. Donc ce destin contient du bien et du mal, bien que pour Allah Azza wa Jalla cela n'est qu'un bien, mais que c'est un mal pour nous à nos yeux par rapport à ce qui nous touche. Mais Daniel n'est qu'un bien. ثم قال في السؤال الرابع والثمانين بعد 384e question. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فما معنى إمام مبين؟ Donc là, il dit, dans le sens où Allah il dit, toute chose, nous l'avons dénombrée dans un livre explicite. Donc il a employé le mot imam mubin. Donc il dit quel est le sens de imam mubin. Et nous, comme nous l'avons traduit directement, cela veut dire que c'est le Lawh al-Mahfouz. Comme l'a expliqué Ibn Kathir dans son tafsir. Et cela fut apporté par d'autres imams, comme Mujahid, Qatada, Abdul Rahman, Ibn Zayd, Ibn Aslam. Donc, imam Mubin dans ce verset, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Fama qala fi al-su'al al-khamis wa thamanin ba 385e question. Ma hiya mafatih al-ghayb allati la ya'lamuha illa Allah. Quelles sont les clés de l'invisible que seul Allah connaît? Il dit, elles sont celles qui sont citées dans le verset, inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Dans le sens où Allah dit que Allah allait à la science de l'heure. Il fait descendre la pluie. Il sait ce que contiennent les utérus, les matrices des mères. C'est-à-dire avant que nous soyons en mesure de pouvoir voir cela par une échographie, c'est-à-dire avant même que, que les 4 mois de création du fœtus, Allah Azza wa Jal sait déjà ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Et qu'aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. Allah Azza wa Jal lui le sait. Et qu'aucune âme ne sait où est-ce qu'elle mourra. Allah Azza wa Jal lui le sait. Et que Allah est omniscient et parfaitement formé. Luqman, verset 34. ثم قال في السؤال السادس وثمانين بعد 386e question. اذكر آية تدل على سعة علم الله عز وجل. Donc il dit, cite un verset qui démontre la grandeur du savoir d'Allah, son savoir absolu. Et c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. قال الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sabab, verset 3. Que le connaisseur de l'invisible et que rien ne lui échappe, ne serait-ce qu'un atome dans le ciel et dans la terre, ni plus grand ni plus petit que cela, sans que cela ne soit écrit dans un livre explicite. Sauf que ce verset-là, comme nous l'avons dit, démontre que Allah sait tout et que rien ne lui échappe. Donc, Allah fait sou'el, as-sabir, wa thamanin, wa thalathamiyya, 387e question. Hel, alim Allahu. Est-ce que Allah connaît les gens du paradis et les gens du feu avant qu'il ne les ait créés? Il sait exactement qui aura au paradis et qui est-ce qui aura au feu. On dit na'am, il le sait. Wa dalilu hadith Aisha, Umm al-Mu'minin, qalat, du'iya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila janaza, sabi min al-ansar. Fa qultu ya Rasulullah, touba li hadha usfur min asafir al-jannah. Lam ya'mal as-su. Donc elle a dit que le prophète a été appelé pour faire une salat janaza sur un petit enfant qui était mort parmi les enfants des Ansar. Et qu'elle a dit, ô messager d'Allah, quelle bonne chose pour lui. Un moineau parmi les moineaux du paradis qui n'a jamais fait de mal et qui n'a pas été atteint par le mal. Donc pour elle, elle a garanti que cet enfant était au paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi lui a répondu, « Awwa ila zalika, ya Aisha, inna Allah khalaqal lil janna ahlan. » خلقهم ولهم خلقهم لها وهم في أصلب أبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلب أبائهم رواه مسلم. Qui l'a dit par rapport à cet enfant? Ce n'est peut-être pas forcément comme tu le dis. Après, il a dit ô Aïcha, que Allah a créé le paradis, il a créé ses habitants. Il les a créés pour elle, pour le paradis, alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père. Et il a créé pour le feu des habitants. Il les a créés pour elle, alors que c'était encore dans les reins de leur père. Et de là, il y a eu une mas'ala de divergence qu'il y a eu par rapport aux enfants. Les enfants des croyants, eux, sont obligatoirement au paradis avec unanimité. Après, il y a eu différentes divergences par rapport aux enfants des mécréants, où sont-ils? Et il y a eu trois paroles, une qui dit qu'ils sont au paradis également, une parole qui dit qu'ils seront éprouvés, ils sont parmi elle et le fatra, ils seront éprouvés après leur mort, pour voir s'ils auraient obéi ou pas, et troisième, qui sont avec leur père. Ils suivront leurs parents dans le feu. Non. Et l'avis qui paraît comme étant le plus convaincant, c'est qu'ils sont tous au Jannah. Wallahu ta'ala alam. Car les hadiths qui citent cela étaient clairs également. Naam, fabid al-qad naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.